Pourquoi la mère de Camo l'a-t-elle soudain abandonnée? Pourquoi Camo, qui ne craint rien ni personne, a-t-il tout à coup peur d'une simple bicyclette? Et d'ailleurs, qui est vraiment Camo? D'où vient ce nom étrange? Qui l'a porté avant lui? Toutes ces questions semblent n'avoir aucun rapport entre elles. Pourtant, si l'on ne peut y répondre, Camo mourra. Camo accidenté, avec une double fracture du crâne, un diagnostic médical désespéré. Camo glacé, tout blanc dans son lit d'hôpital blanc, avec cet énorme bandeau blanc effrayant comme un carcan de glace. Le blanc, c'est la mort qui se cache, disait-il, lui qui détestait le blanc. Mais il a parlé. Déliré plutôt, non? Il nous a parlé, à nous seuls. Et tout est devenu possible. À condition d'en garder le secret. Camo et Camo. Le grand Lanty avait raison. L'état de Camo exigeait le secret. Camo nous le fit comprendre à sa manière. Dès que quelqu'un d'autre que nous pénétrait dans sa chambre, il cessait de parler. Non seulement il se taisait, mais son visage retrouvait instantanément cette pâleur cireuse et vaguement bleue qui nous effrayait tant. De son côté, le grand Lantier laissait retomber tous les traits de son propre visage et, lui qui riait une seconde plus tôt, paraissait tout à coup au fin fond du chagrin. Si triste même qu'un après-midi, l'infirmière antillaise piqua une vraie colère. « Si tu continues à faire cette tête, toi, je te fous dehors !» Il n'a pas besoin de vieilles pleureuses, ton copain. Il a besoin d'amis forts, qui croient en sa guérison. Oui, derrière ses paupières closes, Camo parlait. Difficile de dire s'il nous parlait à nous, s'il nous reconnaissait, mais il savait que quelqu'un était là, tout près de lui, quelqu'un en qui il avait une confiance totale, à qui il pouvait tout dire, tout demander. Il nous appelait encore Javahir, mais il nous donnait aussi d'autres noms. Vano, Annette, Côté, Braguine. Il nous demandait des services, il nous donnait des ordres et nous obéissions. Comme si nous avions été Javahir, Vano, Annette, Côté, Braguine. Il avait aussi des cris étouffés, des cris de rage. « Stolypine !» grinçait-il. « Stolypine, tu me le paieras !» Ou bien... « C'est Jytomirski qui m'a trahi, oui, c'est cette crapule de Jytomirski. Il travaillait pour l'Okhrana. » Ou bien encore, tout à coup triomphant. « Les gardes aveugles ne me font pas peur. Ils sont minuscules. » Et aussi... « Ma peau est trop solide pour la Nagaïka. » Mais quelqu'un pénétrait dans la chambre de l'hôpital et Camo redevenait aussitôt ce Camo livide et muet dont le visage ne donnait aucun espoir. L'intrus à peine ressorti, un sourire se dessinait sur les lèvres de Camo. Le mot qu'il prononçait alors était toujours le même. « Yarost !» Sifflant à travers ses lèvres serrées, comme venu du fond de lui-même, toujours ce mot. « Yarost !» Tout cela derrière des paupières qui ne s'ouvraient jamais. Nous n'y comprenions rien. Cela dura une bonne semaine, une semaine de propos décousus, Camo toujours immobile, remuant à peine ses lèvres devenues si minces. Au début, je cédais à la peur. « Il est devenu fou, » dis-je. « Et alors ?» répondit Lantier. Toujours les réponses tranquilles du grand Lantier. « Tu le préférerais de mort ?»« Non, bien sûr que non. » »« Ça prouve au moins que quelque chose s'est remis à bouger dans sa tête ?» Bien sûr. Et puis, rien ne dit que c'est de la folie. Peut-être qu'il rêve, tout simplement. Oui. T'inquiète pas. Il est en train de se remettre en ordre, notre Camo, je le sens. Il ne faut pas le laisser tomber, c'est tout. De mon côté, je me renseignais. D'après toi, Pop, Yarost, c'est un mot qui viendrait de quelle langue? Comment veux-tu que je le sache? Répondait Pop sans même lever les yeux sur moi. Ou à Mademoiselle Naoum, notre professeur d'anglais. Yarost, mademoiselle, ce serait un mot de quelle langue selon vous? Je ne sais pas, Donnons donc à Mademoiselle Rostov. Mademoiselle Rostov était la prof de russe. Elle venait au collège une fois par semaine, le jeudi. Elle était ronde comme une baba et parlait avec un tout petit filet de voix. Yarost ! Cela veut dire fureur en russe. Il y avait un dieu dans l'ancien temps qu'on appelait Yarilo. C'était un dieu très puissant, le dieu de l'énergie créatrice. Le nom de Stolypine, qui mettait Camus dans une telle rage, ne disait rien à personne. Jusqu'à ce que j'interroge M. Bainac, notre prof d'histoire. Stolypine ? Bien sûr, oui, je sais qui c'était. Le ministre de l'Intérieur russe avant la Révolution. Le chef de la police, si tu préfères, et le premier ministre aussi. Il est mort en 1911, assassiné dans un théâtre. Pourquoi me demandes-tu ça ? Il savait tout. Il répondait tranquillement à toutes les questions. Et le Kremlin, monsieur ? Police secrète du tsar ? Tu t'intéresses à la révolution russe ? Je faillis tout lui dire, mais je me souvins à temps que Camus exigeait le secret. J'inventais n'importe quoi. C'est pour un ami, monsieur. Un ami qui lit un bouquin russe de l'époque. Il y a des tas de mots qui lui échappent. Il m'apprit alors que la Nagaïka était le terrible fouet des Cosaques et les Gardavoy, l'équivalent de nos gendarmes dans la Russie des Tsars. Ainsi, grâce à M. Bainac et à Mlle Rostov, tous ces mots gelés que Camus faisait éclore dans sa chambre d'hôpital prenaient un sens. Notre Camus nous parlait de son arrière-grand-père, le révolutionnaire. Pourtant, je ne demandais jamais aux adultes qui étaient Javahir, Vano, Annette, Côté, Braguine. Il semblait que ceux-là faisaient partie du secret de Camus, que les nommer, seulement les nommer, c'était trahir. Dans la pénombre de sa chambre d'hôpital, Camus murmurait. Des oignons, voilà ce qu'il me faut. Javahir, je t'en prie, fais-moi parvenir des oignons. C'est pour lutter contre le scorbut. Quelques heures plus tard, le grand lantier glissait deux oignons sous les draps de Camus. Il les plaçait au creux de ses mains dont il refermait les doigts un à un, tout en examinant son visage. Sur le visage de Camus passait un sourire rapide comme l'ombre, une aile. Du sucre aussi. Javahir, il me faut du sucre pour reprendre des forces. L'entier apportait du sucre. Le lendemain, sucre et oignon avaient disparu. Les lèvres de Camus remuaient très vite. Les Cosaques de Malama m'ont arrêté une première fois à Tiflis, blessé, 5 balles dans le corps, mais toujours debout. Ils m'ont menacé de me couper le nez. Ils m'ont fait creuser ma propre tombe. Ils m'ont passé la corde au cou, la corde à casser. Moi, je faisais l'oiseau, l'innocent, l'imbécile. Je creusais ma tombe en chantant, je jouais avec la corde, je riais. Ils m'ont transféré à la forteresse de Metek. Ils me posaient toujours la même question. Connais-tu Camus ? Oui, ils n'étaient pas tout à fait sûrs que c'était moi. Et moi, je donnais toujours la même réponse. Bien sûr que je connais Camus. Et je les menais au bord d'un fossé et je leur montrais les fleurs. Chez nous, en Géorgie, la fleur, ça se dit Camus. Les lèvres de Camus semblaient courir. La forteresse de Metek n'a pas su me garder, ni la prison de Batoum, ni le terrible hôpital Mikhaïlovski, où ils m'avaient enfermé parmi les fous, ni les prisons turques. Je me suis évadée de partout. Alors je vous le dis, la Sibérie ne me gardera pas non plus. Là, il y eut un long silence. Puis... Yarost. Et très bas, dans un souffle derrière ses paupières serrées comme des poings. Les oignons et le sucre m'ont redonné la force, Javahir. Je suis prêt. Apporte-moi une lime solide. Tu la cacheras dans un pain. C'est pour cette nuit. Le grand lantier ne se posait aucune question. Il obéissait à tout. Moi, j'avais peur. Le Camus aux paupières closes qui chuchotait avec fureur sur ce lit d'hôpital n'était pas mon Camus. C'était l'autre, le révolutionnaire, l'arrière-grand-père, celui qui avait essayé de reconstruire une fois le monde, le Camus qui avait laissé Mélissie pour choisir la révolution. Ce n'était pas celui-là que je voulais voir ressuscité. Je voulais le mien, celui qui était capable de hurler le nom de Catherine Yanchot en pédalant comme un fou dans la nuit. Mon ami. Mais l'entier obéissait. Et ma foi, j'obéissais aussi. Ce soir-là, je demandai à Moon de m'apprendre à faire la pâte à pain. « Tu veux devenir boulanger ?»« Non, c'est pour un anniversaire, Moon. À l'école, chacun doit faire soi-même ce qu'il apporte. » Moon n'avait plus la force de discuter. Elle m'a pris. Dès que Pop et elle furent endormis, j'introduisis le grand lentier dans notre appartement. Il avait fauché deux limes dans l'atelier de son père. « Une lime, ça peut casser. Faut tout prévoir pour une évasion. » Je fis deux pains. « Enfoncer les limes dans la pâte fraîche et mettre au four. » Le premier pain éclata à la cuisson. Pas assez de pâte autour de la lime. Il fallut le refaire. L'heure tournait. L'entier devenait nerveux. « Il a dit cette nuit. » « Je fais ce que je peux, je ne suis pas boulanger. » À part ces quelques mots, nous ne parlions pas. Nous nous laissions envahir par l'odeur du pain cuit. Et je me disais que j'étais fou, que l'entier m'entraînait avec lui dans la folie de Camo. Mais je me disais aussi que Camo allait mieux depuis qu'il nous parlait. Il reprenait des forces, il revenait. Je n'accompagnais pas l'entier à l'hôpital cette nuit-là. Il avait glissé un crayon sous le store mécanique qui fermait la fenêtre de Camo. La chambre était au rez-de-chaussée. Il en relèverait le store et il s'y introduirait sans problème. Il placerait les deux pains dans les mains de Camo. Pas besoin de moi pour ça. Tu as trop peur. Tu nous ferais repérer. J'avais peur, oui. Mais je ne savais pas de quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire d'évasion? Est-ce que demain, Camo ne serait plus dans son lit d'hôpital? Et lequel des deux Camo s'évaderait, le mien ou l'autre? J'eus du mal à m'endormir cette nuit-là. Dès que je fermais les yeux, je voyais un Camo plein de fureur sauter par la fenêtre de l'hôpital et s'enfoncer dans Paris. Il ne ressemblait pas au mien. Le loup de Sibérie. Non. Le matin suivant, il était toujours dans son lit. Et toujours aussi immobile. Et toujours ce carcan si blanc autour de sa tête. Rien n'avait changé. Pourtant, le grand lentier murmura à mon oreille. « Ça y est, il s'est évadé. » J'examinai les trois visages avec plus d'attention. Et en effet, oui, j'ai retrouvé quelque chose qui ressemblait à mon Camo d'avant. Une sorte d'épanouissement. C'était le visage de Camo dans les montagnes du Vercors. Camo libre, à nouveau dans le grand extérieur. L'entier glissa une main prudente sous les draps de notre ami. Il en retira les deux limes. L'une d'elles était cassée. Tu vois, on n'est jamais assez prudent. Les fers qu'on te met aux pieds et les barreaux d'une cellule, c'est solide. La peur qui m'avait un instant quitté revint comme une énorme vague à la vue de cette lime brisée. Je m'entendis balbutier. « Et le pain ?»« Plus une miette, » répondit l'entier. « Il a tout mangé. » Je devais être plus blanc que le pansement de Camo, parce que l'entier ajouta. « Toi aussi, tu devrais aller manger un morceau, sinon tu vas tomber dans les pommes. » Camo ne prononça pas un mot ce jour-là, ni les jours suivants. Pourquoi ne parle-t-il plus? L'entier hochait lentement la tête, comme si je ne comprenais rien à rien. Tu sais ce que c'est la Sibérie? Un désert de neige. À qui veux-tu parler dans un désert de neige? Il s'est évadé. Il faut qu'il traverse la Sibérie maintenant. Cette fois-ci, nous étions devenus complètement fous. Nous étions là, assis tous les deux, de chaque côté d'un lit d'hôpital, persuadé que la pauvre forme qu'il occupait se battait seule, là-bas, contre le grand désert de la Sibérie. Et la nuit, les cauchemars ne me quittaient plus. L'image qui revenait le plus souvent était celle de cette lime brisée. Je me dressais comme un ressort, dans mon lit, brusquement réveillé, pour comprendre que ce n'était pas un rêve, que nous avions bel et bien retrouvé la lime cassée, comme si Camo s'était vraiment évadé. Plus moyen de me rendormir. Sur la table de nuit, à côté de moi, la montre cassée marquait toujours 11 heures. Camo se tut pendant des jours. et nous mîmes un certain temps à nous en apercevoir, il perdait des forces. Son visage se creusait, sa chaleur s'enfuyait. Lantier essaya de nouveau le cou de la veste sous les draps. Rien à faire. Il semblait que rien au monde désormais ne pourrait le réchauffer. Lantier aussi maigrissait à vue d'œil. Et moi, je me sentais comme quelqu'un qui ne pourrait plus jamais fermer les yeux. Puis, un jour, il parla. La Sibérie est un grand estomac de glace. À mon regard stupéfait, Lantier répondit par un sourire malin qui voulait dire « Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? La Sibérie !» Camo continuait de parler. « La Sibérie avale cru, digère tout et ne rend jamais rien. » Il parlait si bas que nous étions obligés de coller presque notre oreille à sa bouche. Le souffle qui en sortait était glacé. « Mais moi, Camo, on ne me mange pas. » Il eut une sorte de petit rire gelé. « Toi non plus, le loup, tu ne me mangeras pas. »« Le loup ? Quel loup ?» Camo n'en dit pas davantage ce jour-là. À la maison, Pop et Moon commençaient à s'inquiéter pour ma santé. Jusqu'à présent, le malheur de Camo leur avait presque fait oublier mon existence. Quand ils se réveillèrent, j'avais perdu 5 ou 6 kilos et j'avais si peu dormi que mes yeux brillaient comme du charbon dans leurs orbites rouges. Branle-bas de combat, double dose de soupe et d'entrecôte. On appela le docteur Grapp qui me fit des piqûres. Docteur, est-ce qu'un prisonnier a jamais pu s'enfuir de Sibérie ? Il rabattit le drap sur mes fesses douloureuses et dit « Il n'y a pas de prison dont un homme ne puisse s'évader. » « Même avec un loup affamé à ses trousses ?» Mais cela, je ne le dis pas. Je le gardais pour moi. Oui, Camo avait reparlé du loup. C'était un vieux mâle gris à l'œil jaune, immense, qui le suivait pas à pas depuis des jours. Il était aussi épuisé que Camo et il avait aussi faim que lui. La nuit, lorsque Camo ne trouvait pas de bois pour faire du feu, ils restaient tous les deux à ses pieds, assis face à face. Trop affamé lui-même, le loup n'était pas sûr de sa force. Il attendait que l'homme s'endorme. « Ce qu'il y a de plus effrayant en toi, le loup, ce ne sont pas tes dents, ce n'est pas ton regard, ce n'est pas ta patience. » Camo parlait au loup. « Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est ta maigreur. » Le loup était la terreur de Camo. Mais aussi sa compagnie. Moi aussi, je suis maigre. Tu as raison de te méfier, le loup. Il faut avoir peur de l'homme maigre. Parfois, Camo allumait un feu. Le loup et lui s'endormaient, alors. C'était à qui se réveillerait le premier, pour attaquer l'autre dans son sommeil. C'est que tu n'es pas le seul à avoir faim, grondait Camo. Et moi aussi, j'ai des dents. Pourtant, ce furent les dents du loup qui le réveillèrent un matin. Elles étaient plantées dans sa cheville. Le loup tirait par saccade. Camo avait eu la prudence de s'endormir les doigts serrés autour de la plus large branche du feu. Le brandon décrivit un arc de cercle et s'abattit sur le museau de la bête. Craquement de bois et d'os. Le loup bondit en arrière dans une odeur de chair et de poils grillés, mais sans un cri. Raté, le loup. Tu peux me manger les pieds, mais ni toi ni la Sibérie ne m'empêcheraient d'atteindre la ligne de Vladivostok. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du train maintenant. Dépêche-toi si tu veux me bouffer. Le grand Lantier ne voulait pas savoir où se trouvait au juste la ville de Vladivostok. De deux choses l'une, ou Camo atteint cette ligne de chemin de fer et il est sauvé, ou il ne l'atteint pas et il est perdu. Dans les deux cas, je me fous de savoir où se trouve Vladivostok. Moi, j'avais besoin de savoir. Il me semblait que ça me rapprocherait de Camo, comme si je m'apprêtais à l'attendre là-bas, sur le quai de la gare. Ce soir-là, l'Atlas m'apprit que Vladivostok était au fond d'un grand sac, la ville la plus reculée de l'Empire, le terminus du Transsibérien. La ligne de chemin de fer, immense, coupait toute la carte en deux d'un trait net. Camo était à 3 jours de marche d'un point quelconque de cette ligne. Ce fut alors que sa mère annonça son retour. Le téléphone sonna et c'était elle. Oui, elle avait quitté son groupe. Non, elle n'avait pas disparu. Oui, elle s'était arrangée avec les autorités locales. Pop posait les questions au hasard et ne disait pas un mot de Camo. Il faisait à Moon de grands gestes désespérés, mais Moon secouait la tête, incapable de lui venir en aide. Non, il n'est pas là, dit Pop tout à coup. Pas pour l'instant, non. S'en subit un silence au cours duquel Pop faisait oui de la tête, comme si la mère de Camo était en face de lui. Oui, oui, les yeux vides, pensant à autre chose. Oui, Tatiana, comptez sur moi, je le lui dirai. Et il raccrocha. Elle arrivera vers la fin de la semaine, dit-il. Elle voyage dans le transsibérien. Puis elle dit qu'il neige. Quel pays ! Le printemps ici et là-bas il neige. Enfin, je n'ai pas osé lui parler de Camo. Non, je n'ai pas osé. Camo allait très mal. Il s'était mis à neiger, en effet, sur toute la Russie orientale. Une neige si drue que Camo et le loup ne se voyaient plus. Camo sentait l'odeur fauve de la bête sur ses talons. Et la bête, l'odeur âcre de l'homme à portée de bond. Mais la bête n'avait plus la force de bondir, pas plus que l'homme celle de lui échapper. Tous deux s'enfonçaient profondément dans la neige. C'était comme si la Sibérie aspirait leur dernière force par en dessous. À chaque pas, ils s'arrachaient au sol, aussi difficile que de déraciner un arbre. « Je n'avais pas prévu la neige, » murmurait Camo. Ses lèvres étaient dures et blêmes. « Tout ce blanc qui tombe. » Je me rappelais soudain ce que le blanc signifiait pour lui. « Tu as compris, le loup ? C'est la neige qui va nous manger. » C'est le ciel qui nous avale. On ne l'entendait presque plus. Le minuscule filet d'air qui sortait de ses lèvres semblait tracer les mots dans l'espace avec une encre transparente. Aussitôt prononcés, les mots s'évaporaient dans la chaleur étouffante de la chambre. Brusquement, je me penchai sur l'oreille de Camo. Camo, ta mère est dans le transsibérien, quelque part sur la ligne, tout près de toi. Elle est là, Camo. Mais il ne répondit pas. Il ne parlait plus. Cette fois, dit le grand lantier, c'est foutu. Nous marchions dans Paris. Nous n'étions pas pressés de rentrer chez nous. Nous étions seuls. Le grand lantier dit encore. Il se sera bien battu. Puis, tu as remarqué ? Il n'y a pas de bourgeons aux arbres. Le printemps est en retard cette année. À quoi je répondis. De toute façon, il n'y a pas d'arbres dans cette putain de ville. Dans ma chambre, sur ma table de nuit, la montre de Camo marquait toujours 11 heures. Je ne fus pas surpris de trouver le lit de Camo vide le lendemain. Je m'étais fait à cette image pendant toute la nuit. Je n'en avais rien dit à Pop et à Moon, mais les yeux rivés au plafond de ma chambre, je voyais très nettement le lit de Camo, vide. Ni Lantier ni moi ne voulions rester une seconde de plus dans cet hôpital. Foutons le camp d'ici. Nous marchions très vite dans les couloirs vers la sortie. Sous nos pieds, le lino bleu pâle avait des reflets de glace. L'air était chaud pourtant, immobile, saturé de toutes les odeurs d'hôpital, mauvaise cuisine et désinfectant. J'arrivais à peine à suivre le grand lantier, tant il marchait vite. Comme il disparaissait à l'angle d'un couloir, j'entendis un bruit de ferraille, un juron, le choc sourd d'une chute et une voix furieuse qui glapissait. « Tu ne peux pas regarder devant toi, non ?» Je courus et me trouvai face à la grande infirmière antillaise de Camo. Elle poussait une longue civière roulante et l'antier se tordait de douleur sur le lino, les deux mains serrées autour de son tibia. La forme allongée sur la civière se pencha alors sur le côté et une voix familière résonna, qui me parut emplir tous les étages de l'hôpital. « Tu t'es cassé la patte, l'antier ? Tu veux partager la même chambre que moi ?» Camo. Camo ? Réveillée, rose comme un cul de bébé et rigolant comme Camo. Camo ! Il m'aperçut à son tour. « Salut, toi !» L'infirmière tendait une main à l'antier qui se relevait en grimaçant. Camo, la voix de Camo. « Je reviens de la radio. Il paraît que ça s'est ressoudé à vitesse grand V là-dedans. Mais que les derniers jours ont été difficiles. » Il tapait du doigt sa tête complètement rasée. « Une belle tronche de bagnard, non ? On va croire que je me suis évadée de tôle. » Il riait. Il ne se souvenait de rien. Il ne se rappelait même pas avoir rêvé. Notre histoire de prisonnier, d'évasion et de Sibérie l'amusa beaucoup. Il était faible encore. Il parlait bas. « Je vous ai resservi ce que me racontait ma grand-mère pour m'endormir quand j'étais petit. Les exploits de l'autre Camo, son père à elle, le Robin des Bois russes. J'y avais droit tous les soirs. Un sacré type, ce Camo. Il s'évadait vraiment de toutes les prisons où on essayait de l'enfermer. Une chose m'étonne pourtant. Il n'a jamais été déporté en Sibérie. Sa dernière prison, c'était le bagne de Kharkov, en Ukraine. C'est la révolution qui l'a tiré de là, en 1917. « Mais la lime, Camo, la lime cassée !» demanda l'antier. Camo eut un rire de convalescent, heureux et fatigué. « Les limes ne sont pas faites pour aller au four, l'antier. Elle devait avoir un défaut et elle a pété à la cuisson. Et le loup et la Sibérie ?» Cette fois-ci, c'était moi qui interrogeais. Camo réfléchit un long moment. « J'ai dû mélanger plusieurs choses, » dit-il enfin. « Dostoïevski, d'abord, souvenir de la maison des morts. Ça raconte la Sibérie. Terrible. Et une nouvelle de Jack London aussi, l'amour de la vie. C'est un type qui a perdu son traîneau et ses chiens en Alaska. Il essaie de rejoindre la mer à pied, dans la neige, et il est suivi par un vieux loup, aussi mal en point que lui. Une très belle histoire, elle m'avait beaucoup marquée. » Il se reposait de longs moments quand il avait trop parlé. Les forces lui revenaient à vue d'œil, un ballon qu'on regonfle. « Une drôle de chose, la mémoire, tout de même, » murmura-t-il. « C'est comme un shaker. Tu la secoues et tout se mélange. »« Qui est-ce, Javahir ?» demanda l'antier. « C'était la sœur de mon arrière-grand-père. Elle a participé à plusieurs de ses évasions, avec d'autres copains, Vano, Annette, Côté, Braguin. » Un temps. Puis, dans un sourire. « Te voilà devenue ma frangine, l'antier. » L'antier sourit, puis se tortilla sur place. Il y avait une question visiblement qu'il n'osait pas poser. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Camo. Le grand lantier se jeta à l'eau. « Franchement, Camo, ce loup qui te suivait, comment tu as fait pour lui échapper ? Ne me dis pas que t'as oublié !» Le sourire de Camo dévoila une rangée de dents luisantes. « Va savoir, » répondit-il doucement. « J'ai peut-être bouffé en fin de compte. » Lorsque, quelques jours plus tard, la mère de Camo pénétra dans la chambre de son fils, elle déclara d'un ton brusque. Alors il suffit que j'ai le dos tourné pour que tu tombes sur la tête. Et toi ? Répondit Camo. Il suffit que je te surveille plus pour que tu fasses l'école buissonnière ? Ils étaient comme ça, ces deux-là. Ils ne se faisaient jamais partager leurs chagrins. Ils gardaient leurs inquiétudes pour eux. Ils se bagarraient, seuls contre leurs peurs. Ils s'aimaient vraiment. Ce n'est pas en suivant ce voyage organisé que j'aurais pu découvrir quoi que ce soit sur ton arrière-grand-père, répondit-elle. Les yeux de Camo s'allumèrent. Alors ? Il s'était redressé sur ses coudes, il regardait sa mère comme un affamé. Alors, tu as découvert comment il est mort, ce mangeur de cosaques ? Elle fit oui, longuement, de la tête, en caressant le crâne nu de son fils. Raconte ! Elle raconta. C'était en juillet 1922. La révolution était finie depuis 5 ans. Et la guerre civile aussi. Mélissie, la grecque, Mélissie l'abeille, n'avait pas oublié son Camo. Il lui avait préféré la révolution, oui. Il avait fait la guerre aux Cosaques, oui. Mais maintenant, il était libre. Elle rechercha sa trace dans l'immense pays bouleversé. Elle la trouva. Le nouveau gouvernement avait nommé Camo chef des douanes de Transcaucasie. Il vivait à Tiflis. Elle monta dans le train. Il reçut un télégramme. « C'est moi, j'arrive. » Le soir de son arrivée, il sauta sur un vélo. Il pédalait comme un fou vers la gare. Il hurlait son nom dans la nuit. « Mélissie !» Il y eut une auto noire. L'auto roulait sur sa gauche, tout feu éteint. Lui ne tenait pas exactement sa droite. La voiture roulait vite. La mère de Camo s'interrompit un instant. Elle ouvrit son sac, en sortit un objet qu'elle tendit à son fils. « Tiens, c'est pour toi. Les autorités me l'ont donné. La seule chose dans ce monde à laquelle il tenait vraiment. Un cadeau de Mélissie. » Camo recueillit le souvenir au creux de sa main. C'était une montre comme on en faisait dans l'ancien temps. Un boîtier à ressort et une chaînette en or. Camo appuya sur un bouton crénelé. Le couvercle de la montre s'ouvrit. Le verre était brisé. Les aiguilles, immobiles, marquaient 11 heures. Fin de l'évasion de Camo, un livre de Daniel Pénac, édité chez Folio Junior, et illustré par des musiques d'Ennio Morricone.